إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الآن ما زلنا في مسألة الإيمان بالله، toujours dans la foi en Allah، et on a pris la foi en son existence, la foi en sa seigneurie rububiyati, la foi en sa divinité uluhiyati. واليوم نأخذ الإيمان بأسمائه وصفاته. La foi en ses noms et attributs. Car Allah SWT a les plus beaux noms et les meilleurs attributs qui lui sont spécifiques à lui. Car le musulman n'adore pas le néant. Allah SWT a des attributs. Il a des noms. Et il lui revient de l'invoquer avec et de lui attribuer ce qui est son droit. Tamam. فقال الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته أي إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Donc là, il revient de croire en Allah, c'est-à-dire également en ses noms et attributs. Allah, on ne le décrit pas n'importe comment. On ne lui attribue pas n'importe quel nom. C'est-à-dire qu'on lui accorde ce que Allah spontané s'est attribué à lui-même. Il se connaît mieux que quiconque. Et ce qu'il s'est attribué à lui-même dans son livre, et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Comme nom et attribut, lorsqu'il lui convient, lorsqu'il lui revient, sans déformation, sans suppression, et sans chercher le comment et sans chercher un équivalent. Allah, dans le sens, il dit que c'est Allah qui appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le avec et délaissez ceux qui déforment ces noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils faisaient. Non. Donc là, quand il dit ghal tahrif ou la ta'til ou la takif ou la tamthil, ça va venir, Inch'Allah, qu'il y a des sectes, des gens qui ont dévié et qui sont entrés dans ces umours. Et Inch'Allah, ils vont en parler. وقال الله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Et c'est lui qui a le meilleur exemple, le plus haut, sur les cieux et la terre, ou dans les cieux et la terre. Il est certes le puissant et le sage. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et il a dit rien n'est comme lui. Et certes c'est lui l'audient, le parfaitement audient et le clairvoyant, un des parfaitement clairvoyants qui voit tout, qui entend tout. Ce verset, c'est la qa'ida chez El Sunnati wal Jama'a, qui réfute toutes les sectes déviantes dans ce sujet. Quand Allah dit « Laysa kamithlihi shay'un », il n'y a rien qui lui ressemble. Donc on peut comparer Allah à sa création. Mais après il dit « Wa huwa sami'u al-basir ». Mais malgré que rien ne lui ressemble, il sait attribuer des attributs qu'on ne peut nier. Ce n'est pas sous prétexte que Allah dit qu'il ne ressemble à rien, que tout ce qui s'attribue, on dit non, parce que si on le attribue cela, on le fera ressembler à sa créature. Allah, il le dit, wa wassami wal basir. Inch'Allah, ça y a-t-il kalam. Donc on ne compare pas Allah à sa création, bien entendu, tout comme ni on ne supprime ses attributs, ni on ne les déforme, ni on ne cherche à savoir le comment, ni on cherche à trouver un équivalent. Qal, wa rahimahullah ta'ala. وَقَدْ ظَلَّ فِي هَذَا الْأَمْرِ طَائِفَتَانِ. Parmi les gens, deux catégories de personnes qui ont dévié en ce sujet, qui sont égarées. إِحْدَاهُمَّ الْمُعَطِّلَةِ الَّذِينَ أَنْكَرُوا الْأَسْمَى وَالصِّفَاتِ أَوْ بَعْدَهَا زَاعِمِينَ أَنَّ إِثْبَاتَهَا لِلَّهِ يَسْتَلْزِمُ التَّشْبِيهِ أي تشبيه الله تعالى بخلقه وهذا الزعم باطل لوجوه منها. Donc les premiers sont ceux qui suppriment. Les mu'attila, c'est ceux qui priment, qui renient les attributs et non attributs. Pourquoi ils ont fait cela? Soit ils les renient tous, dans leur totalité, ou certains. Car ils disent qu'en attribuant ces choses à Allah, on le ferait ressembler à sa créature. Et cela est une prétention fausse, sous plusieurs angles. Parmi elles, que cela, قال, أنه يستلزم لوازم باطلة. Quel tanaqud fi kalam Allah subhanahu wa ta'ala wa dhalika anna Allah ta'ala athbata li nafsihi al-asma' was-sifat wa nafaa an yakuna min kamithlihi shay'un wa law kana ithbatuha yastazlimu at-tashbih lazama tanaqud fi kalam Allah wa takdhibu ba'dahu ba'dahu. Donc eux, ils ont donné des choses, des implications qui sont fausses. Car en attribuant pour ces gens-là, en attribuant à Allah les noms qu'il s'est donnés et ses attributs par lesquels il s'est qualifié, ils disent que cela mènerait à une contradiction avec le Coran. Dans quel sens ? Que Allah, il a bien dit dans le verset précédent, dans le sens, il n'y a rien qui est comme lui. Donc ils disent, si on lui attribue les attributs, ça va contredire avec ce verset. Il dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Et cela amènera à démonter le Coran pour eux. Mais on a expliqué le verset, c'est quoi la suite du verset ? Wa huwa as-sami'u al-basir. Il est le parfaitement audient et clairvoyant. Donc il s'est attribué les attributs. Donc ça c'est le premier angle. Deuxième, annahu la yalzamu min ittifaqi shay'in fi ismi aw sifatin an yakuna mutamathilayn. Fa anta tara ash-shakhsayn yattafiqan fi an kullan minhumā insānun samī'un basīrun mutakallimun. La yalzamu min dhalika an yatamathala في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام فترى الحيوانات لها أيدي وأرجل وأعين ويلزم من اتفاقها هذا أن يكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة. Donc deuxième angle, c'est que le fait que deux choses coordonnent sur un ou s'accordent sur un même nom ou un même attribut, cela n'implique pas qu'ils sont forcément semblables. Par exemple, il se peut que tu vois deux personnes yani, ayant des caractéristiques qui sont proches. Par exemple, deux personnes, deux hommes qui entendent, qui voient et qui parlent. Est-ce que là veut dire qu'à l'échelle humaine, ils entendent pareil, ils voient pareil et qu'ils sont physiquement pareils ? Non. Par exemple, tu en as certains, ils voient bien, d'autres, ils voient mal. Et pareil pour lui. Et en regardant plus de différentes sortes de masalène, d'espèces d'êtres vivants. Regarde, mathalène, les animaux. Les animaux, ils ont des mains, des pattes, des jambes, des pattes, des yeux. Est-ce que cela veut dire que leurs yeux, leurs pattes sont semblables ? Mathalène, tu vois un crocodile et tu vois un koala. Le crocodile a des pattes, le koala aussi. Est-ce qu'elles sont pareilles ? Elles sont pas pareilles. Elles sont pas pareilles. Tu vois une chèvre, elle a des pattes avec des sabots au bout. Et tu vois un chat. Est-ce que les pattes sont semblables ? Elles ne sont pas semblables. Donc, on peut faire plein de comparaisons comme ça. Et donc là, il dit, là, ce qui concerne l'éclaircissement entre les créatures entre elles, la différence qu'il y a entre elles. Donc il dit la différence qui est entre la créature et le créateur est encore plus flagrante. Allah il te dit il a deux mains. Tu ne peux pas dire non il n'en a pas. Allah il te dit que, par exemple il rit. Tu ne peux pas dire non il ne rit pas. C'est lui qui le dit. Comment tu viens tu dis non. Tu le dément en disant cela. Donc ça c'était la première catégorie de personnes, ceux qui renient les noms et attributs dans leur totalité ou partiellement ou certains. Tamam. Tayeb. C'est ça qu'elles ont des noms. T'as les Jahmiya, t'as les Mu'tazila, t'as les Maturidiya, t'as les Kullabiya, t'as les Asha'ira, et Rayl Dalika. Mais qui là n'est pas sujet de parler sur elle. Là, on parle de la croyance de façon générale. قال الطائفة الثانية المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون. Donc les autres sont les mushabbiha, ceux qui font ressembler. On les appelle anthropomorphistes. On les appelle comme ça. Ceux qui donnent à Allah l'apparence de l'homme. Donc eux, ils ont bien accepté les noms et attributs, mais seulement ils les ont comparés à la créature. Le contraire des autres. Vous voyez, en prétendant que cela, si Allah dit qu'il est humain, c'est qu'il est humain comme nous. Et cela n'est pas forcé de comprendre la chose comme ils l'ont dit. Pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle avec ce qu'on comprend. Par exemple, une main, c'est quoi une main ? Quand Allah te dit qu'il a une main, c'est quoi une main ? Mais est-ce que sa main, tu sais comment elle est ? Tu ne sais pas comment elle est. Il t'aurait donné un mot que tu ne connais pas, tu n'aurais pas su de quoi il parle. Mathalan. Donc Allah nous parle avec ce qu'on comprend. Maintenant, ce qu'on comprend ne veut pas dire forcément qu'on se lise. On peut s'assimiler. Mathalan, al-Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit plein de choses présentes dans le Jannah. Et les fruits, la nourriture, l'alcool, le lait, le miel, l'eau. Kul hadhihi al-umur. Et pourtant, dans des hadiths, c'est bienvenu qu'on verra dans le Jannah ce que nul œil n'a vu. Et ce que nul oreille n'a entendu. Et pourtant, il vient avec des choses, des descriptions qu'on connaît. Mais seulement, on ne les a jamais vues, donc on ne sait pas comment elles sont. Ah ouais, ça ouais. Et là, le Jannah, c'est une créature. C'est une créature, le Jannah. Donc là, il va citer justement les choses qui font que leur prétention, elle est vaine. Premièrement, Anna Moucha. مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبتله العقل والشرع ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. Le fait de faire ressembler Allah SWT à sa créature est une chose qui est fausse. Une chose qui est même rejetée et recusée par la raison et la législation. Et il n'est pas possible que là, que les textes religieux authentiques puisse appeler une chose qui est fausse. C'est pas possible. Quand on sait que Allah l'a tout créé, qu'il a tout fait, il ne peut pas nous ressembler. Parce que nous, on sait comment nous sommes limités et fatigués. Donc, de là, la raison te dit, c'est pas possible que Allah soit comme toi. Et deuxièmement, les textes eux-mêmes te le disent aussi. Wasani, deuxièmement, An Allah ta'ala khataba al-ibad bima yafhamuna min haythu aslu al-ma'na. Amma al-haqiqa, walakinahu. الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. Donc comme on a dit tout à l'heure, la deuxième chose c'est que Allah nous parle avec ce qu'on comprend par rapport à la base du sens, l'origine du sens. Fakat. Et non pas la réalité de la chose. D'accord ? Car cela revient à son essence à lui et ses propres attributs. Il y a des choses, on ne peut pas les concevoir. Comme un exemple donne souvent le ulama. L'être humain qui a une âme en lui, les croyants reconnaissent qu'ils ont une âme en eux. Il dit, cette âme, elle est en toi. Il va dire, naam, comment elle est? Il ne pourra pas te répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est en toi, une créature, et tu vas pouvoir t'imaginer comment le créateur. Une chose qui est en toi, c'est pas les deux, elle est loin ou elle est en toi. D'accord? Et aujourd'hui, on connaît, l'être humain, il a été ausculté, il a été analysé, le corps humain, il a été connu. On te dit maintenant cette âme là, décris-la moi, il ne pourra pas te décrire. Fais, elle est en toi, chacun en a une. Tu n'arrives pas à la concevoir et à savoir comment est-ce qu'elle est. Donc comment ton esprit va-t-il s'aventurer, se hasarder à essayer de comprendre le Créateur? C'est pas possible. Même les anges, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. On sait qu'ils ont des ailes. Leurs ailes comment elles sont? On ne sait pas. Eux ils sont amusés à faire des ailes de cygne. Des ailes blanches avec des belles plumes comme ça. T'as déjà vu un ange? Il va te dire non, comment tu sais comment sont ses ailes? On sait que Jibril alayhi salam, il a 600 ailes. Mais est-ce qu'on sait comment elles sont ces ailes? On ne sait pas comment elles sont. Naam. فقال فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع فإن السمع معلوم حيث أصل المعنى وهو إدراك الأصوات لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى السمع الله تعالى غير معلومة لأن حقيقة السمع تتبين حتى في المخلوقات فالتبين فيما بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. Donc si Allah spontané s'est attribué l'ouïe, il dit qu'il entend. Et que l'ouïe est une chose qui est connue dans le sens, c'est-à-dire, c'est le fait d'entendre les voix, tous les bruits, les sons. C'est une chose qui est connue. Quand on dit le sens de l'ouïe, tu sais de quoi on parle. Quand on dit Foulen, il entend, tu sais de quoi on parle. Maintenant, est-ce qu'on sait comment l'ouïe d'Allah, elle est? Surtout dans le Coran, il dit bien qu'il entend tout. Et même ce que ton nef t'insuffle en toi, il l'entend. Moi, demain tu chutes, j'entends pas ce que tu vas dire. Pourtant, j'ai une ouïe. Alors que dire d'aller entendre ce que tu t'insuffles au fond de toi-même, dans ta tête quand tu penses? Allah lui entend tout cela. Le moindre mouvement qu'il y a dans la terre, même si c'est le plus petit des cailloux qui bouge, il l'entend. Est-ce qu'on peut le concevoir? On ne peut pas le concevoir. On dit qu'il l'entend en âme, il n'entend pas comme nous. Il n'entend pas comme ses créatures. Même les animaux entre eux, les créatures entre elles, n'entendent pas pareil. Tu as des animaux, ils ont l'ouïe, elle est perçante. Ils entendent par exemple un chien, il entend des sons très très loin. Plus loin que nous. Son ouïe, elle est comme la nôtre, elle n'est pas comme la nôtre. Rien que ses oreilles ne sont pas comme les nôtres. Encore un exemple. On a des oreilles, il a des oreilles. Est-ce qu'elles sont pareilles? Elles ne sont pas pareilles. Le chien a une bouche qu'on appelle une gueule. On en a une. Est-ce qu'elles sont nos bouches et la gueule du chien sont pareilles? Elles ne sont pas pareilles. Pourtant, quand je te dis la bouche d'un chien, tu sais de quoi je parle. Et tu as des animaux. Tant que tu ne les as pas vus, tu ne sais pas à quoi ils ressemblent. Pourtant, on dit on a vu un animal, il avait telle et telle forme. Les formes, tu vas les comprendre, mais tu ne pourras pas t'imaginer l'animal comment il est. Donc, on en revient à la question. que dire du créateur. Donc la différence qui est entre la créature et la création, qui est entre le créateur et la créature, est encore plus flagrante. Mais il se répète. Il le répète la phrase. فإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على العرش فإن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم لكن حقيقة الاستواء التي هو عليه غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على عرشه لأن حقيقة الاستواء تتبين في حق المخلوق فليس الاستواء على كرسي مستقر على كرسي مستقر كالاستواء على ريح بعير صعب النفور طبعا فإذا تبينت في حق المخلوق فالتبين فيما بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. Donc il dit Allah a informé qu'il s'est installé sur le trône, instauré sur le trône. L'istiwa, qui est le fait de s'instaurer, s'installer sur une chose, d'accord ? Le sens il est connu. Cependant, est-ce qu'on sait comment Allah l'a fait ? On ne sait pas comment il l'a fait. D'accord ? On ne sait pas. Il dit quoi ? Il dit par exemple, le fait de s'installer sur une chaise, la falaine, c'est un istiwa. Et maintenant quelqu'un vient s'installer sur un chameau qui est dur à chevaucher. Est-ce que c'est pareil ? Ce n'est pas pareil. La chaise, c'est confortable, c'est rapide. Le chameau, c'est plus dur. Donc là, regarde, entre deux choses de la créature, il y a une différence. Alors il le redit encore. Donc que dire entre le créateur et la créature ? Donc là, pour revenir à ce que vous voulez dire tout à l'heure par rapport aux sectes, les mu'attila, ceux qui ont supprimé les noms d'attributs, c'est quoi leur problème à ces gens-là ? Ils sont tombés dans ce quoi ? Dans ce qu'ils ont voulu éviter. Car ces gens-là n'ont pas supprimé, ce n'est après avoir imaginé et fait ressembler. On leur a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main. Mel, il a deux mains. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Ils ont fait quoi, eux ? Dans leur tête, ils ont fait un takif ou un tamfil. Ils ont cherché un comment. Et après, ils ont fait un tamfil, un tashbih, avec la création. Ils ont vu des mains comme une autre. Ils ont fait, non, c'est pas possible. Donc après, ils ont dit, non, Allah n'a pas de main. Donc avant d'annuler, ils ont cherché un comment et ils ont imaginé ce qui est interdit. Donc on leur dit, ce que vous avez, ce dont vous mettez en garde, vous êtes les premiers de tomber dedans. Ce qui vous a poussé à quoi ? À annuler cette sifat. Et aujourd'hui, les mushabbiha, chez les gens de l'islam, il n'y en a pas. Vraiment. Chez les chrétiens, tu vas trouver ça. Chez les gens de l'islam, actuellement, il n'y en a pas. S'il y en a, je ne les connais pas. Peut-être qu'il doit y avoir 2-3 individus comme ça, vite fait, mais une secte connue, comme ça, mushabbiha maintenant, l'instaurer, il n'y en a pas. Amam Mu'attila, tout ça, il y en a plein. Comme on le disait tout à l'heure, il y en a plein. Mais chez les chrétiens, non. Il dessine Allah, la femme d'un homme. Il le dessine la forme d'un homme. Avec une barbe blanche, avec une couronne, avec une épée, sur une chaise, sur les nuages. Voilà, a'udhu billah. Ils te le font, sans pudeur. Thumma kammal wa qal. Donc il dit le fait de croire en Allah, ta'ala, comme nous l'avons décrit, cela apporte des fruits pour les mu'min. Parmi eux, al-oula, tahqiq tawhid Allah ta'ala bihaythu la yata'allaq bi ghayri raja' wa la khawf wa la ya'bud ghayra. Cela amène à pouvoir réaliser le tawhid. Là il parle de le fait de croire en Allah sur tous les points qui ont été cités. Son existence, sa rububiyyah, son uluhiyyah et ses asma' wa sifat. Donc cela t'amène à quoi ? À réaliser le tawhid, l'unicité du fait que tu ne t'accroches à personne dans l'espoir, ni dans la peur, et ni tu n'adores autre que lui. Car tu sais qui est ton Seigneur. Tu sais ce qu'il peut faire. Et les choses que tu veux, il n'y a que lui qui peut les accorder. Donc tu reviens à lui. Athaniya, kamal mahabbatillahi ta'ala wa ta'zimihi bi muqtada asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya. Donc cela amène à un amour parfait pour Allah, une glorification, pour ce que implique ses noms, ses plus beaux noms, et ses sifat, et ses meilleurs attributs. Pourquoi ? Quand tu connais le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que le nom d'Allah, ce n'est pas simplement un nom propre. Ça a un sens, ça implique un sens. Contrairement à l'être humain. L'être humain, il va avoir un prénom, son prénom n'aura rien à voir avec lui. Par exemple, quelqu'un, tu vas l'appeler courageux. Par exemple, un exemple, tu l'appelles courageux. Mais en fait, c'est un lâche. D'accord ? Quelqu'un, tu vas l'appeler comme prénom fort. En fait, il est faible. Nous, c'est juste une marque pour qu'on te reconnaisse, qu'on sache qui tu es. Allah subhanahu wa ta'ala, ces noms impliquent que ce soit des noms propres et ça implique les attributs qu'il y a dedans. C'est-à-dire son nom, d'accord, Allah subhanahu wa ta'ala, agit en conséquence de ce nom, obligatoirement. Si on te dit Ar-Rahman, c'est qu'il a Ar-Rahman wa Asi'a. Si on te dit Ar-Rahman, c'est qu'il a la grande miséricorde. Mathalan. Si on te dit Al-Alim, c'est qu'il a la science. La science de toutes choses. Il l'a. Donc cela t'emmène à quoi ? À l'aimer plus et à revenir vers lui. Également ses sifat. Tu sais ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comme sifat ? Est-ce qu'il peut faire ? D'ailleurs, il peut tout faire de toute façon. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah peut tout faire. والثالثة تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. Et cela amène à pouvoir bien l'adorer en faisant ce qu'il a ordonné et en évitant ce qu'il a interdit. Pourquoi ? Car quand tu le connais, tu sais qui est ton Seigneur, connais de ses noms et de ses attributs. Parce qu'il y en a des noms, on ne connaît pas. On ne connaît pas tout sur Allah. On ne connaît que ce qu'il a voulu nous informer. En tout cas, ce qu'on sait suffit pour pouvoir obéir à son ordre et de délaisser ses interdits. Car si on obéit à son ordre, on sait que Allah il est juste, donc il va nous donner ce qu'il nous promet. Et si jamais on délaisse ses interdits, on sait qu'Inch'Allah il nous épargnera de ce dont il nous a prévenu. Et là, ce qui touche au tawhid, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des noms, le plus beau nom, l'attribut, qui ne lui reviennent qu'à lui seul. Donc il faut l'unifier dans ses noms et attributs. Certains noms sont mushtarika, peuvent être attribués à la créature, mais dans leur kayfiyya, ils ne sont pas pareils. Azaw. Donc là, on a pris ce qui concerne le premier pilier de la foi qui est Al-Iman Billah. Et on avait cité la dernière fois, celui qui ne croit pas en toutes ces choses, tous ces angles, ne croit pas en Allah, comme il se doit. C'est juste de la connaissance. Il sait qu'il y a un Seigneur, mais il ne sait pas qui il est. Et tu ne peux adorer ce que tu ne connais pas. Et tu ne peux rendre le droit à ce que tu ne connais pas. Ce n'est pas possible. Donc quelqu'un qui te dit, moi je crois en Allah, tu lui dis, tu crois en son distance, il va te dire oui. Tu crois en sa seigneurie, il doit te dire oui. Tu crois en sa divinité, il doit te dire oui. Tu crois en ses attributs, il va te dire oui. Et si jamais il renie une de ces choses-là, il n'est pas un croyant. Et ce n'est qu'une prétention. Ou il s'imagine être croyant, il ne l'est pas. Tamam. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.